Yes, sir. Bienvenue tout le monde à cette 534e émission de Sky Punka en ce vendredi 25 juillet 2014. C'est le camarade B qui vous dit que c'était Decline en introduction aujourd'hui avec la pièce Pieces of Broken Dream, extrait de leur tout nouvel album. Puis il faut dire que les Decline, là, ils ont vraiment fait un très bon... Très bon nouvel album. Je pense que je vais mettre la parole à Adrien parce qu'il a l'air de vouloir dire quelque chose de ses compatriotes bretons. Fait qu'Adrien, dis donc quelque chose de tes compatriotes bretons. J'avais rien à dire. Sur mes compatriotes bretons, j'étais juste là à te niaiser un petit peu. Là. Ah, mais c'est pas grave. Trouve quelque chose à dire le temps que je me rappelle du nom de leur album parce que puisqu'ils l'ont seulement envoyé en MP3. Je pourrais peut-être penser à prendre en otage Sky Punk Hype, transformer ça en bonnet rouge pour la soirée et puis enchaîner à sa chaise notre ami camarade B et puis lui laisser le micro une fois de temps en temps comme ça là, juste pour le laisser hurler son mécontentement de cette fait comment dire spoiler. On peut dire ça. Pour l'album de Decline de nouveau en fait c'est bon, man, hein? Oui, puis c'est man, c'est le titre du chanson d'une des pièces, c'est 12 Hay Cavalry Road. Qui vient tout juste de sortir sur Kicking Record et tu l'as sur le Bandcamp aussi pour pouvoir l'écouter et le voir là, mais sinon j'ai plus le nom des labels en tête. Ouais. C'est un bon album là. Sinon aussi, qu'est-ce que nous avons vu cette semaine? Eh bien, nous avons vu les Guérilla Poubelle. Et ça, c'était bon. Ouais. Ce qui m'amène à vous dire qu'après la pièce Demain il pleut, vous aurez une première partie de l'entrevue que j'ai fait en compagnie de M. Le Breton Adrien et du chanteur de Guérilla Poubelle, ainsi que de leur bassiste, en fait, nouveau bassiste. Et nouveau de batteur aussi, Paul. Et au cours de ça, donc, après l'entrevue, vous entendrez leur nouvelle chanson « Nulle part, c'est chez moi », qui continuera encore une fois avec la seconde partie de l'entrevue avec Guérilla Poubelle. Et ensuite, nous aurons Martin Luther Burger King. Alors, c'est parti pour cette bonne demi-heure, Guérilla Poubelle, à Sky Punka. Madame, monsieur, bonjour. Eh bien, c'est la pluie qui sera de retour dès demain, donc si vous aimez le soleil, profitez-en encore aujourd'hui. La classe, ça sert, on est tous morts. À quoi tu sers, je t'aime encore. Une bataille déjà perdue, une histoire déjà entendue. C'est pas que je crois en rien, je crois plus tout court, ça me convient. Chez moi, je vote pas, je suis pas chez toi, il fait trop froid. J'ai perdu mon drapeau, je crois plus tout que c'est plus réel. J'ai oublié de trouver sa peau, j'ai oublié que c'était sacré. C'était encore toi, on est pire, désolé, je me sens pas bien. Trop près de mourir pour écouter ton corps, attends. Je m'emmerde, j'ai mal aux yeux. We'll be right back. tous les flics dans la scène. N'aurait pu arrêter de boire, ouvrir les cages des animaux. N'aurait pu s'ouvrir les veines, et Paris serait beau. Et maintenant une entrevue pour Sky Panka en compagnie de Phil de Guérilla Poubelle et Paul avec moi ici. Et Paul avec lui. Et aussi l'Adrien des Bonnets Rouges. Hein. Alors, comment se passe votre tournée nord-américaine? Ben, jusqu'à présent, ça se passe très très bien. On est, je pense, ravis. On n'est même pas encore à la moitié, donc c'est on en profite encore pendant un bon moment, donc ça va être très cool. Comme on disait tantôt, là, ça c'est votre quatrième tournée nord-américaine. Hein? Ben, un peu plus que ça. Un peu plus que ça. Combien? Je sais pas, je compte plus. Mais je pense que c'est pas mal. On est venu des fois juste 2-3 jours pour un festival. On est revenu l'année dernière juste pour un festival. Okay. On a fait 2 shows. Donc en tout, je pense que c'est peut-être la 7 ou 8e fois que Guérilla Poubelle vient au Canada. Oh, toujours autant de plaisir du tout à venir, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. Et trouvez-vous qu'il y a une grosse différence avec la première fois que vous êtes venu ici d'abord, qui était environ en 2005? Bah, j'avais 20 ans, puis maintenant j'ai 30 ans. J'ai mal partout et puis... Et si je peux plus chanter aussi aigu. Qui est mieux pour la musique? Qui est plus avoir mal au dos? Non, non. Pouvoir plus chanter trop haut, comme un rat. Ah. Moi j'aime bien la voix grave. Oh. Hey, depuis combien de temps existez-vous? Parce que j'avais sauté sur la question, parce que je la fais comme à l'envers. Donc là, on va la dire comme il faut. Depuis combien de temps Guérilla Poubelle existe? Et aussi, ça serait fun de savoir, pour me rappeler à ceux qui ne savent pas, d'où venez-vous? Et, ben, et combien d'albums avez-vous? Eh bien, on est, nous, on vient de Paris, région parisienne. Ça fait 11 ans que le groupe existe. Il y a eu des changements de membres, comme tu parlais de Jococo avant l'émission, qui était le gars qui faisait de la peinture, qui est parti du groupe entre-temps. Et puis, il est parti lui en 2007. Il a fait que les 4 premières années. Quoi. Mais c'est pas lui aussi, c'est qui allait là, des fois sur certaines chansons? Oui, il faisait des backings, ouais. Okay. Il faisait des backings de temps en temps. On a fait, on vient de sortir notre troisième véritable album, mais entre chaque album, il y a eu à chaque fois des EP, des splits, des morceaux sur des compiles, des trucs éparpillés un peu partout. Et ceux qui aiment bien la chasse au trésor peuvent trouver des trucs. Et en parlant d'album, justement, c'est là où on est un petit peu en guéguerre entre il faut repeindre le monde avec des couleurs. Pour moi, c'est ma version finalement c'est noir, là. Et ici c'est en noir, donc on n'est jamais d'accord quand on diffuse un morceau, on est toujours en train de se reprendre quand on a l'occasion d'être ensemble dans le studio. Non, l'album s'appelle Il faut repeindre le monde en noir, les deux versions, mais la pochette n'est pas de la même couleur. Donc en France il est sorti avec une pochette verte et au Québec il est sorti avec une pochette bleue. Non, je l'ai en vert et noir. Eh ben c'est ça la version française. Mais s'il faut rappeler le monde en noir, en plus il me dit que c'est en couleur. Non, mais il y a peut-être moi qui ne fais pas bien dans ce cas-là. C'est sûr qu'il y aurait pas eu comme une version spéciale pour les Bretons. J'allais pas me découvrir d'être bien ce soir. Au sujet là, de vos chansons, quels sont là, vos sujets que vous abordez et pourquoi? Pourquoi pas? Ouais. Non, c'est tout parle globalement d'expérience de vie, de ressenti, de... Je sais pas, c'est difficile d'en parler en fait. Mais puis pourquoi? Bah, il faut bien écrire sur quelque chose et puis je vais pas écrire sur des choses où je suis pas au courant. Donc j'écris sur... Les sujets comme la politique, je crois que ça touche un peu... Ouais, en fait, il n'y a pas vraiment de chansons qui parlent de politique directement comme un gros sujet, genre, ok, cette chanson, ça parle de ça en politique. C'est toujours au travers de mon ressenti à moi qu'écrit et de... souvent de références. Des fois, c'est parler d'un truc normal, puis faire des références à la politique. Par rapport à la scène punk, ça se pourrait-tu que sur votre dernier CD, on dirait que ça, vous parlez plus un petit peu de ce qui se passe de nos jours, justement, parce que, comme tu disais tantôt, t'es rendu à 30 ans, ça change un peu, plus on vieillit, plus qu'on voit qu'il y a du monde qui disparaît. Ben oui, c'est sûr, c'est moins... Tu vois, le premier album était beaucoup plus teenage que celui-là, quoi. Mm-hmm. Il est bien trentenaire, je pense. Ouais. Ça parle de vieillir beaucoup, ça parle de rater plein de trucs. Tu sais, quand t'es ado, t'as pas encore eu le temps de rater grand-chose. À 30 ans, t'as eu le temps de rater tout dans ta vie, quoi. C'est cool. Et puis, ouais, ça parle de... Effectivement, comme tu dis, ouais, de perdre des amis de toutes les façons possibles, de perdre des occasions de perdre de passer à côté de trucs. Est-ce que vous faites encore des covers des betteraves? Non. Je pense qu'on a fait ça pendant 5 concerts en 2003 et après okay. On l'a plus fait. Ça a été fini. On s'est demandé s'il y a des projets en cours après cet album-ci, la tournée, retour en Europe, est-ce qu'il y a des nouveaux morceaux qui vont être écrits ou c'est déjà peut-être en cours? On a maquetté quelques morceaux avant la tournée là, mais on n'a pas eu le temps d'enregistrer définitivement, puis il manque des bouts de paroles encore. Donc on va voir, là on va se concentrer, on a encore genre 20 concerts d'affilée là. Ça pourrait sortir quand votre prochain album? Parce que là Ça sera pas un album si on fait ça, je pense que ce sera juste un EP ou je sais pas, des titres pour un split avec un groupe ou peut-être des titres juste comme ça sur des compiles, je sais pas, on n'a pas trop. Non, l'album il est sorti. Ouais, On était pour l'instant, on veut jouer. Ça fait pas longtemps, là, ça non. Fait quelques mois. Hein. On l'a enregistré, on a fini de l'enregistrer il y a un an pile. Ok. Ouais. Et puis on a presque fait une centaine de concerts depuis. Enfin, après la fin de la tournée, je pense qu'on a une bonne centaine depuis qu'on a écrit cet album. Ouais, donc on a encore de quoi s'occuper. Trouvez-vous que la scène punk en France, au Québec, puis mondialement, elle a changé depuis les débuts de Guérilla Poubelle ou par rapport à la scène, par rapport à l'accueil que vous avez comme un peu partout? J'en sais rien, j'ai trop le nez dedans. Tu sais, quand t'es tous les jours avec tes amis et tu les vois pas venir, quand tu te réveilles tous les matins avec la même personne. Mais dans votre spectacle, trouvez-vous, c'est qu'il y a toujours comme autant de monde qu'avant, sinon plus ou moins? Ça dépend. Au Québec, il y a plus de monde qu'on n'en a jamais eu, mais... En France, il y a la notoriété du groupe, oui, a bougé, mais c'est par rapport à la scène, pas, c'est par rapport juste au groupe. Okay. C'est bon. Est-ce que vous faites seulement de la musique pour... est-ce que vous vivez de votre musique de Guérilla Poubelle ou vous faites d'autres choses dans votre vie? Non, on vit absolument pas financièrement de Guérilla Poubelle. Okay. Humainement, on en vit pas mal de Guérilla Poubelle. Mais non, on a tous un métier à côté. On a tous d'autres rentrées d'argent en dehors de la musique, pas que de Guérilla Poubelle, hein, donc tous les groupes où on joue en dehors de Guérilla Poubelle. Quand tu fais du punk, dans le monde du punk rock, c'est quand même assez difficile. Comme nous, on n'en a même pas envie, c'est même pas difficile, quoi. C'est plus facile si tu décides dès le début que tu fais des maquettes d'avion dans ta chambre, que ça sera jamais ton métier, tu vas kiffer faire des maquettes d'avion toute ta vie, quoi. Ouais. Fais ça avec un groupe de musique, c'est pareil. Oui, les rentrées d'argent qu'on a pour vivre, hein, ne viennent pas de Guérilla Poubelle. À 0% pour votre part. C'est pas le but. Du coup, si on veut faire un concert pas cher, si on veut jouer pour des amis, si on veut que le disque soit pas cher, comme c'est le cas actuellement, on s'en fout. C'est pas notre loyer qui va être payé avec ça. Mais on peut partager plus de choses, je pense, et puis faire que ce qu'on a envie de faire en tant que groupe, et pas être obligé de dire « Ah bah oui, on va aller faire ce concert-là parce que c'est bien payé, mais bon, on joue avec des groupes qu'on n'aime pas, dans une salle qu'on n'aime pas, avec des promoteurs qu'on n'aime pas, mais on va le faire quand même parce que c'est bien payé. Oh, » Il y a plein de groupes qui font ça, là. C'est tout difficile, je vous dirais, moi, pour votre vie, là, que ce soit familiale ou votre vie ben, là, avec votre employeur. Je veux dire, vous avez comme des problèmes de pouvoir partir comme en tournée, disons, OK, gars, pour un mois, je pars au Québec, puis même là, en Amérique du Nord, c'est un bon 2 mois que vous avez à faire, je crois. 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines. Ouais. Ben, en fait, ça commence à faire un petit moment qu'on fait de la musique, et puis du coup, on a un peu organisé nos vies. Fonction de ça, donc en fait je dirais que c'est plus aussi dur qu'avant parce que maintenant oui ça fait 15 ans qu'on joue dans des groupes, et au bout de 15 ans tu as réussi à savoir comment tu pouvais t'organiser, quoi. Ouais. Et puis, c'est vraiment qu'une question d'organisation, les gens sinon ont même l'impression que ça prend du temps, c'est de faire un groupe de musique, mais comment vous faites pour trouver tout ce temps pour faire des répétitions, pour écrire des chansons, pour aller à des concerts? Ouais, c'est... Tu choisis ce que tu fais, t'as des gens, ils vont jouer aux jeux vidéo 5 heures par jour, toute la semaine, tous les jours de l'année. Et t'as pas de console de jeu, la PS. Ouais. T'as déjà fait 35 heures par semaine, complète. Et autant que ce que la plupart des gens vont au travail, tu vois, en France. Pour juste t'occuper de faire de la musique. Ouais, c'est sûr qu'il faut le faire, mais... Si t'as envie, c'est facile. Ouais, t'arranges ta vie en fonction de... Ouais, les vrais fous, c'est ceux qui ont un travail, une console de jeu et un groupe de punk rock. Ceux qui ont les trois et qui font les trois. Oh, et une œuf et des enfants. Ils ont appris à pas dormir. Une copine. Moi, je viens de dire que j'ai pas de console de jeu, puis les jeux d'ordi, j'ai tellement pas de temps de jouer avec. Ceux qui ont tout ça, ils dorment pas. Non. Ils dorment une heure, entre 5 et 6. Ils font des dépression. Hey, il y a une affaire qui m'intrigue depuis pas mal vos débuts. Pourquoi chantez-vous principalement en français? Mais en même temps, pourquoi vous allez jouer à des endroits comme aux États-Unis où le monde parle principalement en anglais? Alors pourquoi? Va demander à un groupe américain qu'est-ce qu'ils viennent jouer au Québec à chanter en anglais alors que tout le monde parle français? Bah, parce qu'ils savent qu'on comprend les anglais. Bah, on comprend l'anglais, oui. Quand tu joues en Russie, on chante en français. Voilà. Quand on chante en français, là. Et même là, tu vas écouter le concert, tu n'as jamais entendu les chansons, tu vas rien comprendre de ce que je raconte. C'est une question. Non, mais en vrai, pourquoi on chante en français? Parce que c'est notre langue et puis que je vais pas chanter. Bah, tu sais, je le fais dans d'autres groupes, on l'a fait dans d'autres groupes, mais dans ce groupe-là, c'est comme ça que ça marche. Et puis, il n'y a pas de mauvaise raison de vouloir chanter dans ta langue. Ouais, ouais. C'est comme ça. Et puis, nous, on a envie juste de jouer partout, un peu, partout où on a l'occasion de jouer, on a envie d'y aller, on a envie de voyager, on a envie de rencontrer des gens. Et plus les gens que tu rencontres dans ta vie sont différents, plus ça va t'apporter des choses réciproquement. Et puis honnêtement, on a déjà joué en Angleterre beaucoup, en Allemagne, on était deux fois au Japon. Le chant en français, là, personne n'a rien à foutre que ce soit en français plutôt qu'en anglais. Le groupe américain préfère entendre un bon groupe qui chante en français avec un bon français qu'un mauvais groupe qui chante en anglais avec un mauvais anglais. Ça, c'est Il y a beaucoup, de mythes autour de ça, là. C'est quoi le problème? Chacun chante la langue qu'il veut. Moi, j'ai vu des groupes qui chantaient en allemand, j'ai jamais rien compris, c'était des bons groupes. Et la musique, c'est pas juste. Oh, ouais. Tu sais, je veux pas lire un livre en allemand. Pour la réception, admettons que vous êtes devant, vous êtes en concert, puis vous êtes, on va dire, aux États-Unis, admettons, là, dans le Maine, quelque part, là, dans le Maine, dans le Vermont. Puis, bref, en tout cas, votre public est majoritairement comme anglophone. La réceptivité, trouvez-vous que c'est quand même assez la même que dans un endroit qui serait francophone? Ouais, ouais. Okay. C'est juste, là, actuellement, le groupe, c'est notre première tournée aux États-Unis. Ok, ah ouais? Donc, le groupe est forcément moins connu qu'en France, où on a tourné depuis 10 ans, donc on va forcément pas avoir la même fanbase. Mais tu sais, le contact, il est pareil. On parle en anglais, entre les chansons, on va parler en anglais. Les gens, en leur parlant après et avant le show, on va parler en anglais, puis ça va très bien se passer. Puis, tu sais, on aime ça voir des groupes qui viennent de loin de chez nous aussi. Moi, en France, quand il y a des groupes qui viennent de loin et que je les regarde jouer, tu sais, je me dis, c'est cool qu'il y ait un groupe de l'autre bout du monde qui soit dans mon bar en bas de chez moi en train de faire un concert. Tu sais, les gens aiment ça voir des choses différentes. Et puis, selon les musiques et selon les mondes dans la musique, les mots ont plus ou moins d'importance. En fait, aussi, dans la chanson française, c'est vrai qu'il y a plus d'importance des mots. Ouais. Peut-être dans le grindcore et le punk rock hardcore, les mots sont de moins en moins. Ce que les gens veulent, c'est. Il y a une esthétique globale qui surpasse un peu ça quand même, que même s'ils vont pas comprendre les paroles, ils vont voir c'est quoi notre vie, c'est quoi qu'on représente, qu'on défend, c'est quoi le business, hein, ils vont tout de suite comprendre. Ouais. Ouais. Quand tu regardes un groupe jouer, tu vois surtout qu'ils peuvent toujours traduire les paroles aussi. Ou venir nous demander. Ouais. Puis, je veux dire que même en France, des gens qui parlent français, le même français que moi, viennent souvent me parler des paroles en n'ayant rien compris aux paroles non plus. Hein, donc, ils comprennent les mots, ils comprennent pas le sens. C'est... Ah ouais? Mais oui. Je suis sûr qu'on peut prendre la liste des chansons, tu viens me dire de quoi parle chanson, je dis bah non, en fait ça parle de ça, puis ça parle de ça. Tout comme des Américains. Je cache plein de trucs dedans, tu sais, il y a des références vraiment obscures, si tu les as pas, tu peux pas capter. Comme quand vous dites le nulle part, c'est chez moi. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ah ben, qu'est-ce que t'en penses justement? Ben, j'en pense que ça se pourrait-tu que vous êtes un groupe qui voyage beaucoup, puis vous n'avez pas vraiment comme de profonde attache quelque part, donc vu que nulle part c'est chez moi, ça veut dire que vous pouvez être à la même place, vous pouvez être aussi bien reçu aussi. Ouais, un peu ça. En fait, ça parle à la fois de deux choses, qui est le fait de... quand tu voyages beaucoup comme ça, et puis même juste en français, suivant les régions et tout, puis au Québec, vous connaissez bien ça aussi, les gens sont souvent très fiers de là où ils viennent. T'sais, les Bretons, là, vous aimez bien ça aussi, il y a un truc... et puis les Marseillais, c'est des cons, et puis les dans le Nord, c'est des alcooliques, et tous ces trucs-là qu'on cultive tous, et puis c'est quoi ce racisme-là? Qu'est-ce qui se passe pour que dans la scène punk, on soit tous racistes alors qu'on est tous dans la même merde ensemble? Donc je suis parti de ce postulat-là. Et j'ai essayé de mélanger ça avec un truc beaucoup plus personnel, qui est le fait d'avoir une copine, d'avoir une blonde, et d'être tout le temps en tournée, et de rentrer chez toi, et puis que des fois, tu rentres chez toi, là, je vais rentrer chez moi après 5 semaines de tournée, et puis peut-être que ça va être compliqué, on s'est pas vu. Elle a vécu d'autres choses, moi aussi, ça va être, c'est difficile de se sentir chez toi quand tu rentres chez toi, et puis il y a quelqu'un qui a habité là pendant 5 semaines, et puis c'est qui va pas forcément avoir les bonnes attentions à ton égard, et puis toi tu vas être maladroit aussi parce que t'es fatigué, tu reviens de tourner, t'as envie encore de faire des concerts, puis il n'y a plus de concerts, et ça parle toi. J'ai essayé de mélanger ces deux trucs-là. Aussi à l'aise dans notre maison que ici, que chez des copains à Toronto, on peut être aussi à l'aise partout. C'est pas un endroit où on dit c'est là qu'il faut retourner tout le temps. Ouais. Des fois tu dors aussi bien sur le parterre de quelqu'un en tournée que quand t'es dans ton lit chez toi, à t'ennuyer. Ou un bel hôtel. Quand on vieillit ça, je pense que vous devez peut-être préférer un peu, peut-être un peu avoir arrêté comme de dormir par terre. Honnêtement, je connais beaucoup de gens qui effectivement en vieillissant sont un peu tannés des difficultés là de vie de tous les jours en journée là. Moi j'en suis pas encore là et je suis content. Je pense que je m'en fous un peu, je sais pas quel est. C'est pas important. C'est pas ça qui est important. Je préfère manger des chips dans une salle de concert que d'aller au restaurant. Ou des pépoyants graves. Voilà. Combien de dates il nous reste à faire au Québec? Au Québec, il nous en reste 4 ou 5, et après on en a 16 aux États. Oh. Donc on est sur la fin au Québec. Là. Ça fait déjà 2 semaines et demie qu'on joue. Et pour le Canada, anglais, est-ce que vous y avez déjà été? Ouais, on a joué à Toronto la semaine dernière. Seulement Toronto? Ouais. Y a-t-il d'autres dates ou d'autres places quelque part? En Ontario, enfin non. Non. Au Canada, c'est Québec. Okay. Mais là, vous allez descendre jusqu'au Texas, je crois. Hein? Oui. Puis votre tracé est déjà fait? Ouais. Au mieux, c'est dans une semaine. Vous avez une van ou Ouais, pour le Québec, on a la van du label, okay. Level Sandisk à Montréal. Okay. Et après ça, on va dans le camion des Américains, du groupe américain avec qui on tourne. Ça. Quel groupe? On va partir, en fait, on part avec le camion de Panic Attack, un groupe de Québec, là. Okay. Le chanteur vient avec nous pour conduire la van et partir avec nous. Et puis on fait... pas mal de dates avec un groupe qui s'appelle Direct Hits, okay. qui sont de Madison dans le Wisconsin, Et là, on ira dans leur camion à eux pour 10 dates, puis après, on fait les autres dates avec le camion. Ouais. Bah, évoquer plein de choses, c'est vrai qu'au niveau du titre des chansons, pour aller, on cherche un peu plus, sans se cacher tout ça derrière, mais sur l'analyse de chacun des morceaux, ce sera à peu près pareil, j'imagine. Non, à la limite, ce que j'aimerais bien savoir ce qui se cache derrière, tant qu'à faire, ce serait Martin Luther Burger King. Ouais. Il m'a beaucoup fait sourire quand j'ai vu le titre au départ et quand je l'ai écouté. Bah, le titre, moi, c'est un jeu de mots que j'avais trouvé il y a déjà très longtemps, juste pour l'idée du titre. Mais ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, il y a Burger King qui est de retour en France. Voilà, en France, ça fait, je sais pas, 15 ou 20 ans qu'il n'y a plus de Burger King. Il y a zéro Burger King en France. Et puis là, il y a un Burger King qui a rouvert, deux, trois qui viennent de rouvrir en un an, là. Et tout le monde sur Facebook, tout le monde était en train de capoter là-dessus. Genre, waouh, Burger King qui revient, c'est génial. T'sais, tout le monde était heureux de ça, là. Moi, ça m'a rendu fou. T'sais, les gens parlaient que ça. Puis, tu sais, en Palestine, là, ils se prennent des bombes dans la gueule toute la journée. Personne n'en a rien à foutre. Puis, on va se masturber sur des vieux burgers pourris qui vont juste créer de la précarité et du diabète. C'est la même chose que les autres qu'il y a juste à côté. Et parce qu'il y en a un nouveau, on trouve ça bien. Mais en fait, il y a la même chose à côté depuis toujours. C'est en fait les meilleurs à maison, Et puis du coup ça parle également du phénomène qu'il y a eu avec ce retour de trucs, c'est fait que depuis deux ans avant ça en France, il y avait des articles dans la presse ou sur des blogs ou ce qui c'est que tout le monde partageait sur Facebook là des rumeurs que Burger King revenait, les gens disaient ouais, puis en fait c'est pas vrai. Puis en fait là il y a un article, ça y est c'est bon, ils reviennent, puis en fait c'est pas vrai. T'sais, les gens s'emballent tout le temps sur internet pour rien, là, sans vérifier les sources, sans réfléchir à Donc voilà, ça parle de ces deux choses là. Bon, ben, je vais vous souhaiter une bonne tournée. Yes, merci bon beaucoup à vous deux. À et bonne continuation avec vos émissions. Ah, c'est Shawinigan, il dit ça. La bière est bonne. Oui, j'ai pas tout goûté encore, il y en a plusieurs des différentes. Mais j'ai goûté la normale, la blonde normale et la brune qui est délicieuse. Je me rappelle plus du nom. Ah, bien sûr, tellement de bière. La Star, la Star de D40, la. Vous oubliez son nom, ça va bien. La Star d'encre, exactement. Ah, c'est ça. Oh, ouais. On se présente Jamie, le bassiste du groupe. Ah! Ah, Jamie. Avec ta casquette de juste en haut de l'NC, du groupe. Oui. Enchanté. Nouveau bassiste, ou en... Bassiste depuis deux ans. Depuis deux ans, c'est ça, j'avais dit. Enfin, ok. On est tous les trois, là. Est-ce que c'est difficile d'être le nouveau bassiste pour Guerrier Bouvelle? Difficile, non, j'ai jamais joué de basse avant ça. Combien de répètes? J'avais 13 ans de guitare, mais jamais de basse. Ah. Combien de répètes je vais prêter ma basse? Trois premiers mois. Est-ce que c'est genre, il y avait un niveau de difficulté? Parce que bah, j'ai fait de basse, donc il y a eu Ken avant qui joue très bien. Et moi, il avait une certaine passion quand même. D'où est venue cette transition finalement, le fait que ce soit toi qui joues la basse, tu n'en pas joué avant, c'est arrivé comme ça du jour au lendemain Alors l'histoire assez succincte, c'est qu'il était 3h du mat, j'étais chez moi en train de monter un meuble, comme tu fais à 3h du matin. Paul Pechnard m'appelle, chose qui n'arrivait pas souvent et en plus de ça pas à 3h du matin. Il me demande, il me dit tu fais quoi? Je monte un meuble, bon bah logique à 3h du matin, c'est un petit Et il me demande, t'as plus de bouche, j'ai plus rien. Bon, tu veux faire un groupe? Oui, parce qu'on a déjà fait un truc il y a peut-être 8 ans ensemble. Et là, il me fait, c'est pour Guerrier Poubelle. Alors, déjà, première réaction, c'est Paul, tu connais Guerrier Poubelle. Je suis Paul, c'est de toute façon, genre de musique, de toute façon, à l'époque. Et après, deux, t'es dans Guerrier Poubelle. Et là, je pensais à tous mes potes bassistes et j'ai pensé à toi. Et donc là, je vais Paul, tu sais très bien que je ne joue pas de basse. Et là, la meilleure réponse du monde, ouais, justement, c'est pour ça que ça pourrait être cool. Donc voilà, bah, quand c'est arrivé, et moi, vu que j'avais rien d'autre, je faisais plus de musique depuis 6 mois, j'ai fait « Oh, bah vas-y !» Et on dit voilà. Et je me suis donné à fond, et j'étais sûrement le moins bon de tous les bassistes qui ont essayé, mais bizarrement, ils m'ont pris comme des cons. Oui. C'est difficile d'être en tournée à loin de chez moi. Non, parce que même pour le travail, je suis toujours loin de chez moi, donc... Okay. En transition, je suis dans les groupes depuis que j'ai 15 ans et je fais des dates depuis cet âge-là. Mais il a 17 ans. Non. Ouais, ça c'est sûr. Ça se voit. Oh ouais, ça se voit. Let's go! Ouais, vous écoutez toujours Sky Panka sur les ondes de C'est Fou, la radio campus de Trois-Rivières. Et comme j'avais dit en début d'émission, eh bien, pour les 30 premières minutes, vous avez eu justement un bon spécial Guérilla Poubelle avec notre vue qui a été fait en deux parties. Tout ça, ça s'est passé mercredi le 23 juillet à Shawinigan, à la Shop du Trou du Diable, connue aussi sous le nom du Salon Wabasso. Et je peux vous dire que c'était tout un bon show. Il y avait également en première partie de Guérilla Poubelle une très bonne formation que j'ai aimée, Crash Ton Rock, que je vais vous faire jouer plus tard au cours de l'émission, là, aux alentours de 10h40 à peu près. C'est cela. Et maintenant, nous allons poursuivre tout d'abord avec un groupe qui était en spectacle la semaine passée à Drummondville, mais plus exactement à Notre-Dame du Bon Conseil, au Rock à Ganja, c'est-à-dire Big Din de Kid Table, qui ont vraiment ouvert le bal très fortement. C'était pas la première formation, mais à partir d'eux, vraiment, on dirait que ça s'est comme mis à bouger un petit peu plus. Seul fait négatif, il manquait un petit peu de monde. C'est ça que j'ai trouvé de valeur, car sinon, la place était excellente. Le son, très bon. Des fois, ça arrive souvent qu'on chiale pour les concerts punk au sujet du son qui est pas numéro 1. Mais là, je peux vous dire que le son était très, très bien, surtout que c'était en plus à l'extérieur. Donc, j'espère que l'année prochaine, s'il y a une autre édition du Rock à Ganja, ben, qu'il y aura plus de monde, car c'était vraiment très bien pour l'édition que j'ai vue cette année. Et en parlant de Big Din de Kid Table, eh bien, nous aurons la pièce Set Me Straight, qui sera suivie par deux tunes qu'ils ont repris de Operation Ivy, justement, Big D, la semaine passée, c'est-à-dire Sound System et Jaded. Ensuite, nous aurons Brigada Flores Magón avec Mauvais Garçon. Après ça, on va aller au Brésil avec Reject Essay et la pièce Cena Urbana. Et Reject Essay, que je fais jouer depuis un bon bout de temps. Et je peux une fois de plus vous dire que ça se retrouve sur leur album Falloir des ressources ouvrir. Et puis après ça, puisque le temps file et que j'ai peur de manquer de temps, bien on va poursuivre avec un autre bloc de 4 musiques qui sera composé du groupe anarcho-punk britannique et UK avec la chanson Cosmetic Killer que vous pouvez retrouver sur le split qu'ils ont fait avec Burn Cross. Et puis après ça, on aura Atox, une très bonne formation du Brésil avec la chanson Violencia, extrait de leur album éponyme. Et si jamais vous voulez, avoir leur album, je vous conseille de rentrer en contact avec la formation Atox, soit par Facebook ou par Internet, par quelconque moyen, car leur album est seulement disponible en MP3 pour l'instant. Et ils sont vraiment super sympathiques, là, les gars de Atox. Donc, communiquez avec vous autres si vous aimez ça. Et puis, après ça, eh bien, on va aller en France avec un groupe qui date un peu, Les Partisans et la pièce Radio Rebelle. Et nous terminerons le tout avec un groupe américain qui n'a pas existé très, très longtemps, mais qui a vraiment été très bon. Le groupe No God Hero avec la chanson Dubterian que vous pouvez retrouver sur leur album qui portait le nom de Radio Rebelled. Donc, sur ce, on y va immédiatement avec Big Din de Kid Table et la pièce Set Me Straight pour tous ceux qui veulent justement pas devenir straight. They don't wanna set me straight. They don't wanna set me straight. They don't wanna set me straight. They don't wanna set me straight. They don't wanna set me straight. They don't wanna set me straight. Wanna set me straight, they don't wanna set me straight. Think that they found something wrong with me. What could be wrong with me? That ain't wrong with you. I said I found something wrong with you. Care much about me when you wanna show you. Why do they all wanna set me straight? Why do they all wanna set me straight? Why do they all wanna set me straight? Why do they all wanna set me straight? and maybe you won't get. They all wanna set me straight. They all wanna set me straight. They all wanna set me straight. They all wanna set me straight. Rebellion is not really just a social set. Why are you just upset? Because you're on social click and left. Leave when you want. J'aurai les murs de ta cité, habillant la cause de la tête aux pieds. Et ton guillemets sont à Paname, tu t'embrouilles sans état d'âme. T'es un voyou, t'es un cramé, ouais t'es le fils de ta cité. Cette journée, tu tapes la manche pour une renier. T'arrêtes ton cuir, c'est ta fierté. Et toi, fidèle, tu feras le rasé. Tu t'as poussé, t'as voulu enrayer. T'es pas un lâche, t'es pas un héros. Ouais, t'es juste un mauvais garçon. Combien de filles ont vendu leur corps pour une dose trop mal coupée. Dans les veines de ce capital coule le sang noir de la détresse. Combien d'appels jamais entendus criaient tout fait dans ruelles perlées. become aware of how systematic our society abuses and exploits our animals. Animals do have feelings. Animals do feel fear and pain. We must stop these cruel experiments now. We must stop animal genocide. Support animal liberation by whatever means necessary. And smash these lines of torture. It's your conscience. It's your choice. Set the feet from the flying and stop. Get them free now. Get them right. Stop this killing. Stop this war. Stop all forms of animal torture. La rue nous appartient. fait jamais pareil. Tu sais, dans l'obscurité, tout se confond et tout se mêle. On peut se laisser aller. On s'invente un futur, on oublie le passé. Cette fois encore, on en est sûr. Pour nous, tout va changer. Et tous ces rêves, tu les connais tout comme moi. Tous ces mensonges et tous ces rêves, si tu y crois, je crois en toi. Dans notre sang, la même fête, le même espoir qu'un jour viendra. Ou au signal de Radio Rebelle, à la fin du ciel on ira. Et jusqu'à ce que la terre tremble, que le monde s'écroule, on danse ensemble sur la fréquence de Radio Rebelle. Yeah. Vous écoutez toujours Skypunk en compagnie du camarade B en cette 534e émission. Et au cours des dernières minutes, on a eu un bloc qui était composé de 8 pièces. Pourquoi? Ben, c'est qu'avec l'entrevue qu'on a eue au début de l'émission, eh bien, si on veut rentrer dans le temps, aujourd'hui, je marche avec des gros blocs. Alors, sans recul, de v'là bien des minutes, on a eu Big Dim de Kid Table avec Set Me Straight, Operation Ivy avec Sound System ainsi que Jaded, Brigada Flores Magon avec Mauvais Garçon, Reject Assa avec Senna Urbana, AUK avec Cosmetic Killer, Atox avec Violencia, Les Partisans avec Radio Rebel, ainsi que No Good Hero, plutôt No Good Heroes, avec la chanson Dubterian. Maintenant, on enchaîne avec une bonne vieille formation ska québécoise qui s'est reformée récemment et qui est en spectacle présentement, mais également aussi au cours du mois d'août. Donc, je vous invite à aller voir là, sur leur Bandcamp et puis aussi sur Facebook. Bref, General Rudy avec la chanson Six Shooter qui sera suivie de Alien Scab qui, eux, seront en spectacle au Grand New Mind Fest en compagnie de la formation de Vibrators et Directum en plein milieu du mois d'août. Et pour Alien Scab, on va avoir Ride on My Horse. The Vibrators, ça sera la pièce Sweet Sweet Heart. Et Directum, ça sera le pâté de chinois de Madame Paquin. Après ça, vous aurez une formation folk punk de Montréal, Yesterday Ring, avec la pièce Punk's Not Dead, It's Just Sleeping. We Grow Bars avec la chanson The Battle of Cable Street, ainsi que Crash Ton Rock et la chanson Homme de Verre que vous pouvez retrouver sur leur album qui est tout nouveau pour moi parce que j'ai pris possession de cela mercredi passé au show de Guérilla Poubelle. Donc c'est ça, en tout cas, bref, le deuxième album de Crash Ton Rock porte le nom de Cheval de Troie. Très bonne formation folk-punk que j'ai découvert lors de ce concert. Sur ce, j'arrête de parler et on y va avec General Rudy et la pièce Six Shooter. West ain't easy, a lot of problems abound. And now I know this man is crazy, they can't stop him now. Every time he comes around, the whole town is running scared. Cause he's the toughest six-shooter in town. Cause he's the toughest gunslinger in town. And he's the toughest gunslinger around. You're out and you're coming for him, but you won't, no you won't succeed. Now I know he's coming, better run and hide. Well I know you can't escape him, so don't even try. Well you can challenge, you can draw, but my friend that's when you'll die. Cause he's the toughest six shooter in town. Cause he's a six shooter of Dawson City. And he's the toughest gunslinger around. coming for him. But you won't, no you won't succeed. But no, you didn't listen. And now your family will be mourning right over your grave. I hope you're all aware of the threat I gave. Cause I'll smoke anybody in town. Cause I'm a six-shooter of Dawson City. And I'm the toughest gunslinger in town. That you're out and you're gunning for me. Cause I'm the toughest gunslinger in town. Said I'm the toughest gunslinger in town. Said I'm the toughest gunslinger in town. laborer chinois, laborer chinois. Help me! vous êtes dans la zone 89.1. C'est fou. Yes, sir! Vous écoutez toujours Sky Punk sur les ondes de C'est fou, la radio campus de Trois-Rivières, comme avec cette charmante introduction à la C'est fou. Il me semble une introduction d'Astroy pour la punk, des fois, ça ferait du bien, genre « Vous écoutez C'est fou! » avec du gros Sex Pistol en arrière, là. Ouais. On en parlait avec le monde de C'est fou. Il me semble que ça serait pas pire. Bon! Alors, qu'est-ce qu'on a eu au cours du dernier bloc? On a eu General Rudy avec Six Shooter, Alien Scab avec Ride on My Horse, The Vibrators avec la chanson Sweet Sweetheart, l'Erectum, que mes amis du Brésil ont très très grandement apprécié, car il faut dire que le pâté chinois de Madame Paquin, comme l'Erectum l'a dit, il est pas mangeable, et que c'est vraiment quelque chose de dégueulasse, ça, le pâté chinois, en tout cas. Faut être mal pris pour en manger. Ah, le pâté chinois. On peut bien s'en passer du pâté chinois. C'est pour ça que c'est pas mangeable. Et puis après ça, on a eu Yesterday Ring avec Punk's Not Dead, It's Just Sleeping. Et ça avait continué avec la gang de barbus qui s'appelle We Grow Birds. Oui, sûrement, ça doit être une gang qui ressemble pas mal toute comme à Adrien, ça, l'animateur des Bonnets Rouges, ouais. Ce qui me fait dire que ne manquez pas les Bonnets Rouges lundi prochain. Ça se pourrait que vous réentendiez l'entrevue, justement, des Guérilla Poubelle, en partie ou au complet. Bref, c'est Adrien qui décidera bien de cela. Et puis, à part de ça, en parlant de mon collègue, il faudrait que je vous dise aussi que la semaine prochaine, en tout cas, pas pour vendredi, là, mais pour samedi, moi et Adrien des Bonnets Rouges, nous allons faire un spécial ska et reggae. L'année passée, pour ceux qui avaient entendu notre spécial reggae, qui s'était appelé Kingston Town, ben là, on décide de récidiver avec ça. Mais à place de faire un spécial de 3 heures, ben là, on va faire un spécial de 4 heures qui va durer de 8 heures jusqu'à minuit, donc samedi prochain, le 2 août. Il va y avoir un spécial 100% ska et reggae. Et puis, ça va durer, c'est ça, donc de 8h à minuit, ou si vous aimez mieux, de 20h jusqu'à minuit. Et puis, ben, il va y avoir du bon ska, du bon reggae, et puis, ça va être chouette. Alors, ça va faire changement, là, des samedis où il n'y a rien, ben là, il va y avoir une programmation spéciale, en plus, bien sûr, de l'édition du lundi des Bonnets Rouges et de l'édition du vendredi de Sky Punk. Ce qui veut dire, très grosse programmation de musique cette semaine. Bon, et... maintenant, ben on s'en va en musique avec un groupe que j'ai pas eu le temps de faire jouer lors du dernier bloc, c'est-à-dire Crash Ton Rock avec Entre Deux Verres, qui sera suivi de Screeching Weasel avec Is It Got No Sense, les Salles Majestés qui vont venir nous faire un petit coucou au mois de septembre avec la pièce Faisons du bruit, qui sera suivi de Jeunesse Apatride avec Build Something Great, qui est une reprise de Hold the Grudge qui est apparue sur leur tout dernier album. Jeunesse Apatride, pour ceux qui ne le savent pas, il n'existe plus depuis le mois de mai. Mais si jamais ils reviennent, ça serait vraiment très chouette. Et puis après ça, nous aurons de France la théorie du boxon avec la pièce Non-lieu. Alors, allons-y, sans plus tarder, avec Crash Ton Rock et la chanson portant le nom de Entre Deux Verres. Tout ça, bien sûr, à Sky Punk. J'ai jamais vu les rues d'Amsterdam, pas plus que j'ai mis les pieds au Vietnam. J'ai jamais vu les femmes du red light ou fumer d'opium à Shanghai. J'ai jamais vu les gardiens de New York, pas plus que j'ai pris le métro de Bangkok. J'ai jamais bu de bière en Allemagne ou levé mon verre dans les champs de champagne. We'll everybody in the band. Camarades, les seuls magistrats. faisons du bruit. Tout en bordel encore une fois, toute la nuit. Oh, faisons du bruit, faisons du bruit. Avant que ne sonne le glas, faisons du bruit. Oh. Foutons le bordel encore une fois toute la nuit. Faisons du bruit, faisons du bruit. Avant que ne sonne le glas, faisons du bruit. Wow. Faisons du bruit, faisons du bruit. Foutons le bordel encore une fois toute la nuit. Wow. Faisons du bruit, faisons du bruit. Avant que ne sonne le glas, faisons du bruit. Wow. Faisons du bruit, faisons du bruit. Foutons le bordel encore une fois toute la nuit. Wow. Faisons du bruit, faisons du bruit. Avant que ne sonne le glas, faisons du bruit. non-lieu, je pense, la pièce veut tout dire, de la formation française portant le nom de la théorie du boxon. Et si on recule, quatre pièces avant ça, on a eu tout d'abord Crash Ton Rock avec Entre deux verres, Screeching Weasel avec Is It Got No Sense, Les Salles Majestés avec Faisons du bruit, ainsi que Jeunesse Apatride avec Built Something Great, reprise de Hold the Grudge. Il est maintenant l'heure de se quitter et aujourd'hui on se quitte en dub. Tout d'abord avec Big D and the Kid Cable et une des versions que je ne connaissais pas mais que je connais maintenant de Strictly Rude, portant le nom de Strictly Rude Orange Whip Seduction Remix, qui sera suivi des Camionneurs du Suicide avec le meilleur des mondes, ainsi que Hub City Stompers et la pièce Dub of Tree. Sur ce, à la semaine prochaine pour une autre émission de Sky Panka, toujours entre 21h et 23h. Et sinon, ou plutôt, et également, la semaine prochaine, et plus exactement samedi prochain, il va y avoir un spécial reggae portant le nom de Kingston Town 2, ou ben 2. Mettez, là, prononcez-le comme vous voulez, là. Bref, moi et Adrien des Bonnets Rouges, on va se transformer en DJ avec des dons spéciales. Donc, vous découvrirez ça la semaine prochaine, tiens. Je crois que vous allez trouver ça drôle et très bien divertissant. Bye bye, à la semaine prochaine. Et d'ici là, continuez d'écouter du bon punk. In my bed. C'est pas celle-là que je voulais mettre, c'était l'autre que je vais mettre immédiatement là. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah! Yeah! Yeah, man! Celle-là est mieux. Ouais. Bye bye. À la semaine prochaine. Two.